L'association d'amitié avec la Corée Séjon en Espagne a inséré dans son empage Network une Corée un article avec thème « Racines de la grande union nationale ». L'auteur indique notamment « Le grand camarade Kim Il-sung a fondé le 5 mai 1936 l'Association pour la libération de la patrie pour engager plus dynamiquement toutes les forces anti-japonaises dans la lutte pour la libération nationale ». Grâce à son excellence, M. Kim Jong-il, continuateur de l'idée et de l'œuvre du président Kim Il-sung, a été adoptée la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin. Comme il a réalisé la libération nationale fermement unie autour du grand président Kim Il-sung, le peuple coréen réunifiera le pays à coup sûr sous la bannière d'une grande union nationale, sous la direction du maréchal Kim Jong-un.